Activité 6, page 47. Piste 35. A. Il est 8 heures, c'est sûr. B. Je suis déçu, très déçu de lui. C. Je suis perdu, complètement perdu. D. Et puis, tu as gagné. E. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu.